Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon qui ne devrait pas tarder à arriver au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Une fois n'est pas coutume, on va parler de politique à Futur Simple. Comme vous le savez, les élections provinciales approchent dans Jean Talon et mon collègue Samuel Lauzon a eu la bonne idée de questionner les candidats sur leur rapport entre la science et la politique. Alors Samuel nous rapportera le fruit de son enquête à 18h30. Et pour le moment, on va parler des feux de forêt et de changement climatique parce qu'une étude a montré que les feux de forêt qui se sont déroulés tout ce printemps, cet été au Québec, sont liés au changement climatique. Yann Boulanger est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides, ici à Québec, c'est près de l'Université Laval. Il est co-auteur de cette étude et il est au micro avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Valérie. Puis merci d'avoir accepté cette invitation au micro de CKRL 89.1. Ben, merci beaucoup de l'invitation, ça fait vraiment très plaisir. Alors, avant de dire à quel point les changements climatiques sont responsables des feux de cet été, Yann, rappelez-nous l'ampleur de ces feux. Comment ça se compare par rapport aux feux qu'il y a de toute façon tous les ans dans la forêt boréale? Oui, effectivement. Donc, le feu est un élément qui est très présent dans la forêt boréale. Bon an, mal an, au Canada, il se brûle environ 2,5 millions d'hectares. Donc, c'est quand même substantiel. Mm-hmm. On est vraiment dans un écosystème de feu, qu'on pourrait dire, au Canada. Sauf que cette année, on est vraiment dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Les feux continuent de brûler au moment où on se parle présentement, même continuent de progresser de façon très importante. Et on est déjà rendu à près de 17,5 millions d'hectares qui ont brûlé depuis le début de la saison. C'est exceptionnel à plusieurs niveaux. Je rappelle que le précédent record au niveau canadien avait été établi en 1989 où il y avait environ 7,6 millions d'hectares qui avaient brûlé. Donc, on a plus que doublé et demi, en fond, les valeurs de 1989. C'est tout à fait exceptionnel. C'est considérable, en fait. Ça, c'est donc à l'ampleur du Canada. Au Québec, ça représente quoi? Est-ce que vous avez une idée? Au Québec, on est environ à 5,3 millions d'hectares. Ça brûle encore une fois au Canada. Je regardais en fin de semaine, il y a encore des points chauds qu'on appelle donc des flammes dans le territoire de la baie de James, donc des feux qui ont été allumés au début du mois de juillet et qui brûlent encore et qui vont probablement brûler jusqu'aux premières neiges. Donc 5,3 millions d'hectares, c'est très très élevé. Si on se concentre sur la partie qu'on appelle la zone de protection intensive, donc celle où on actionne les feux de façon très très très efficace, je dirais. Où on actionne ou on tente de les contrôler. Exactement. Donc où il y a vraiment du contrôle de feu qui se fait de façon très très active. Donc ça correspond grosso modo à la forêt commerciale. Donc à peu près tout ce qui est au sud du 50e parallèle, parallèle nord. Le précédent record avait été établi en 1923, donc il y a 100 ans, à 1,1 million. Et là, on est à 1,5 million dans cette zone-là. Donc, c'est vraiment très important. Et donc, on va certainement en parler. Donc, les conséquences sont très importantes aussi pour le fermier. C'était juste ma question qui venait après. Donc, c'est quoi les conséquences autant pour les communautés qui vivent près de ces forêts-là? Pour la forêt elle-même, la biodiversité, pour l'industrie forestière. Justement, les conséquences sont à plusieurs niveaux. Donc, vous l'avez mentionné, au niveau des communautés, évidemment, on a tout ce qui concerne les évacuations. On a eu encore une fois, on va beaucoup parler de records, je pense, durant l'émission. Donc, on a eu un nombre record d'évacuations, un nombre d'évacués aussi record au Québec. Beaucoup de communautés nordiques, évidemment, qui ont été évacuées. Beaucoup de communautés des Premières Nations aussi qui ont été évacuées. Et qui sont malheureusement particulièrement surexposés à ce risque de feu-là qui est très important. Et pourquoi ils sont surexposés? Parce qu'ils sont plus proches ou parce qu'il n'y a pas les moyens de lutter contre les incendies près de chez eux? En temps d'exposition, ils sont vraiment dans un environnement qui brûle souvent. Donc la forêt boréale, on l'a mentionné, brûle quand même relativement souvent. Les communautés des Premières Nations se retrouvent plus souvent qu'autrement dans l'interface qu'on a fait, l'interface périurbaine, donc là où les infrastructures infrastructures croisent, disons, l'environnement forestier, donc sont plus près de l'environnement forestier, donc plus susceptibles de t'exposer aux feux de forêt par la même occasion. Et cet été, ça a été le cas. Donc, plusieurs communautés, notamment dans l'Ouest, notamment à la baie James, qui ont été évacuées. Donc, les conséquences sur les communautés sont très importantes. On a été particulièrement chanceux au Québec de ne pas avoir beaucoup de destruction d'infrastructures lors des feux, ce qui n'a pas été le cas dans l'Ouest et aussi en Nouvelle-Écosse au début de la saison. Mais tout de même, il y a quand même eu des camps forestiers qui sont passés au feu. Donc, les impacts sur les communautés, les infrastructures sont quand même assez importants. Au niveau de l'impact écologique aussi, évidemment, c'est très important. Je le mentionnais, les feux font partie de l'écosystème. Le problème, c'est lorsque les feux deviennent très fréquents, beaucoup plus fréquents. Et si, par exemple, des années comme celles qu'on vient de connaître finissent par se reproduire plus fréquemment, justement, dans le futur, on pourrait dépasser ce qu'on appelle un point de résilience, un point de rupture de l'écosystème, où, par exemple, on pourrait se retrouver avec par exemple, en forêt boréale, des endroits qui seraient, par exemple, dénudés de régénération, donc moins ou tout simplement pas d'arbres qui se régénèrent suite au feu, puisque les feux passent de façon trop fréquente, par exemple. Ils reviennent avant que les nouveaux arbres aient le temps de faire des cocottes. Exactement, oui, exactement. Donc, si par exemple, on a un feu qui survient c'est d'ailleurs arrivé là cette année à plusieurs endroits. Donc, par exemple, vous connaissez probablement le feu de Lebel-sur-Quévillon qui a été très grand cet été. Donc, un feu de 460 000 hectares. Ce feu-là était très sévère et est passé dans d'autres patchs qui avaient brûlé précédemment, mais quand même très récemment, en 2010, en 95, même en 2018. Donc, évidemment, les arbres, ou du moins les plantules qui ont poussé suite à ces précédents feux-là, n'étaient pas assez vieilles lorsque le feu de cette année est passé. Donc, pas de cônes dans les arbres, pas de cônes dans les plantules, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, en fait, qu'il y ait de la régénération. Et donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle des accidents de régénération. Donc, les impacts, justement, au niveau écologique peuvent être très, très importants. Et donc, j'imagine aussi des conséquences sur l'industrie forestière, parce qu'il n'y aura pas d'arbres à récolter à cet endroit-là, à moins de replanter. Exactement. Donc, ça, c'est un des impacts les plus importants pour l'industrie forestière. On se retrouve avec une situation où la productivité est affectée, où justement, on se retrouve avec des accidents de régénération, où les arbres vont prendre plusieurs années où les parcelles vont prendre plusieurs années à pouvoir se régénérer, et on va avoir besoin de l'aide de l'homme pour pouvoir les replanter, les remettre en production. Donc, l'impact est très important. Yann, j'ai l'impression, bon, là, on parle des feux dans le nord du Québec, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, quand même, les feux de grande ampleur se multiplient. Ouais. On en a vu en Australie il y a quelques années, c'était aussi très intense. Il y en a eu en Californie, il y en a eu l'année dernière en Europe, encore cette année en Europe du Sud. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on en parle davantage ou est-ce qu'il y a réellement plus de ces grands feux? Ça dépend de quoi on parle. Depuis une vingtaine d'années, il y a certaines études qui ont démontré que, à l'échelle globale, la quantité la superficie brûlée diminuait à l'échelle globale. Ouais. Et cette diminution-là, par exemple, elle était surtout due à la diminution des feux en Afrique tropicale ou en Amérique du Sud tropicale aussi. Des feux, donc, qui sont utilisés pour défricher, pour l'agriculture. Mais ces feux-là ont diminué. Par contre, dans les milieux forestiers, donc si on s'attaque seulement aux forêts, effectivement, il y a une augmentation des feux. C'est le cas, donc, au Canada, des augmentations qui sont significatives. En Californie, vous l'avez mentionné, beaucoup de méga-feux qui sont survenus, justement, dans la dernière décennie. Australie, c'est la même chose. Afrique du Sud aussi, beaucoup de feux qui surviennent. Dans le sud de l'Europe aussi, on en a entendu parler au cours des dernières années. Cette année, entre autres, en Grèce, effectivement. En Espagne, au Portugal, l'année dernière. Donc, pourquoi on observe, justement, de plus en plus de ces grands feux, notamment en forêt, eh bien, c'est tout simplement parce que la végétation devient de plus en plus inflammable et de plus en plus sèche. Donc, les températures plus élevées font en sorte qu'il y a plus d'évapotranspiration, que le feuillage en soi devient beaucoup plus sec, et donc ce feuillage-là est beaucoup plus inflammable si, justement, il y a un allumage suite à un éclair, par exemple, ou suite à l'action humaine. Et si on s'intéresse particulièrement donc aux feux de cet été, donc c'est les feux que vous avez étudiés, vous avez publié une étude dans la revue World Weather Attribution, une étude spécialisée sur les études d'attribution, donc pour savoir à quel point un événement météorologique extrême est attribuable au changement climatique. Exact. Donc, c'est quoi une étude d'attribution et comment on fait ça? Ouais, ben c'est une très bonne question. Avant de faire cette étude-là, j'en avais pas grande idée, en fait. Parce que justement, j'étais pas l'expert en attribution et c'est pourquoi je me suis associé à ce groupe-là qui travaille spécifiquement sur les attributions justement au changement climatique. Donc, une étude d'attribution permet de voir jusqu'à quel point les changements climatiques contribuent à faire en sorte qu'un événement en particulier soit extrême ou non. Dans le cas ici qui nous intéresse, c'est vraiment l'étude des conditions météo qui ont mené au feu de cet été. On a voulu savoir jusqu'à quel point ces conditions-là maintenant étaient plus probables et plus intenses maintenant que lorsque comparées à ce qu'on appelle la période pré-industrielle. Donc, par exemple, entre 1850 ou à peu près aux alentours de 1850, là où, à un moment où l'impact humain sur l'atmosphère, sur le climat, était pas vraiment perceptible. Et donc, on essaie de voir par des simulations, par des analyses, jusqu'à quel point la fréquence d'avoir des indices forêt météo. Donc, les indices forêt météo, c'est ce qui nous permet de mesurer le danger de feux de forêt. C'est ce que la SOPFEU, par exemple, utilise là pour savoir si le danger est extrême, haut et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez sur les petites pancartes dans les parcs nationaux, c'est exactement la même chose. Exactement. Donc, le danger, des fois, peut être extrême parce que la température est élevée, parce que le temps est sec, parce que le temps est venteux. Et on s'est demandé jusqu'à quel point ces conditions extrêmes-là qu'on a eues cet été étaient probables maintenant comparativement à avant. Et jusqu'à quel point le cumul aussi de ces conditions-là depuis le début de la saison de feu, parce qu'évidemment, vous le savez, les feux, ils sont pas survenus seulement un jour ou durant une semaine. Ça a brûlé pendant des mois et ça continue de brûler d'ailleurs encore. Donc, on a voulu savoir jusqu'à quel point le cumul était important. Et donc ça nous permet justement de ces analyses-là de voir jusqu'à quel point le changement climatique est impliqué dans ces analyses-là. Et donc, la réponse est? La réponse, c'est que c'est impliqué en tabarnouche, vraiment de façon très importante. En fait, on a calculé que l'intensité maximale de l'indice forêt météo qu'on a obtenu cet été lors des feux était au moins deux fois plus susceptible de se produire en raison des changements climatiques que sans les changements climatiques. Mm-hmm. Et le cumul des conditions, comme je vous l'ai mentionné auparavant, donc depuis le début de la saison de feu, ces conditions-là, ou du moins le cumul, était au moins sept fois plus probable de se produire sous changement climatique que sans changement climatique. Mm-hmm. Donc ça veut pas dire que sans changement climatique, ces conditions-là ne seraient pas possibles. Ça veut juste dire que ces conditions-là sont beaucoup plus... C'est beaucoup plus probable, en fait, de les observer maintenant que dans le passé. Mm-hmm. Et ça va le devenir encore beaucoup plus dans le futur, parce que justement, ces conditions-là vont devenir beaucoup plus fréquentes. C'est ça que je me demandais. Si c'est plus probable cette année, ça risque aussi d'être plus probable dans les années à venir. Donc, on risque de retrouver finalement des feux intenses qui vont se multiplier. Alors là, avec des conséquences assez dramatiques. Oui, absolument. Ben, en fait, ce qu'on a mesuré ici, en 2023, on est dans un monde où la Terre est 1,2 degrés plus chaude que durant la période pré-industrielle. On a aussi comparé, donc, à 2050, où là, on devrait se retrouver à plus 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Et en étant à plus 2 degrés, on redoublerait les chances, ou du moins les probabilités, d'observer ce qu'on a eu cet été. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'à chaque année, on va observer ce genre de situation-là. C'est juste que c'est deux fois plus probable en 2050, sous une planète qui sera encore plus chaude, d'observer le genre de conditions qu'on a eu cet été. Mais ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut... parce que ça va forcément avoir des impacts, comme on le disait, éventuellement plus tôt sur la reprise de la régénération de la forêt, donc sur l'industrie forestière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir l'industrie forestière, les pratiques forestières, le rythme auquel on récolte la forêt, parce que... entre les feux et puis la récolte, la pauvre forêt, elle n'y arrivera plus. Oui. Ben, en fait, il y a plusieurs études, justement, qui démontrent jusqu'à quel point, en raison de l'activité des feux, que ce soit l'activité des feux actuels, mais surtout l'activité des feux futurs, que plusieurs stratégies doivent être... doivent être utilisés justement pour faire en sorte que le secteur forestier soit le moins vulnérable possible à ces feux-là. Et ça, ça passe entre autres par une réduction de la possibilité forestière dans plusieurs régions. Il faut expliquer ce que c'est la possibilité forestière. Effectivement. Donc, la possibilité forestière étant la quantité théorique de bois qu'on peut récolter sur un territoire. Donc, si qui est calculée en fonction de sa vitesse de régénération. Exactement. Oui, c'est une bonne chose. Donc, en fonction de la productivité d'un milieu et en fonction aussi, dans ce cas-là, aussi des perturbations naturelles qu'il va y avoir sur le milieu, y compris les feux. Donc, plus... comment je peux dire ça? La forêt a une capacité de production X. Mm-hmm. Et évidemment, si on la récolte à un certain taux et qu'on ne considère pas les feux qui viennent justement manger en quelque sorte une partie de la possibilité forestière, bien, on va être toujours obligé, après 5 ans, après 10 ans, de réduire cette possibilité-là pour être sûr de ne pas dépasser la capacité de production de la forêt. Par contre, si on réduit au préalable la possibilité forestière de 10, 15, 20 %, on se crée une marge de manœuvre, dans le fond, pour le présent, pour le futur aussi, si jamais des feux surviennent, si jamais les feux viennent par augmenter aussi, pour ne pas se retrouver dans une situation qu'on pourrait appeler, par exemple, ou jusqu'à une certaine limite, de rupture de stock. Donc, par exemple, dans certaines unités d'aménagement dans l'ouest de la province présentement, il y a fort à parier qu'en raison des feux de cette année et dû au fait qu'il n'y avait pas de réserve justement au préalable, que la possibilité forestière va diminuer de façon très importante. Certains parlent de 20, 30, 40 % dans certaines unités d'aménagement, parce que le feu a littéralement mangé la possibilité forestière dans ces régions-là. Et donc, tout ça pour dire que si les feux continuent d'augmenter dans l'avenir, ce genre de stratégie-là devra absolument être adopté pour être sûr, puis en fait, tout ça, c'est pour... espérer que les communautés forestières continuent de survivre et continuent d'exploiter la forêt à un rythme qui soit soutenable, un rythme qui soit durable. Et donc, ce sont des exemples de conséquences, là, qui peuvent arriver suite au feu de forêt. Et puis, si on se projette même plus loin, c'est que ça risque d'avoir des conséquences sur le prix du bois d'œuvre. Parce que nécessairement, si on en coupe un peu moins, là, ça va devenir une denrée plus rare, donc avec des conséquences sur le prix, ou sur le prix des constructions. Oui, j'imagine. Ça, c'est un milieu dans lequel je suis moins à l'aise, mais effectivement, si on parle d'offre et la demande, j'imagine que ça peut avoir un très gros impact. Ouais. Puis je ne sais pas, Yann, si l'industrie forestière se prépare déjà à une éventuelle baisse de la possibilité forestière au cas où des incendies se multiplient comme ça d'année en année. Ouais. Est-ce qu'elle a commencé à y réfléchir, que ça allait leur tomber sur la tête? Oui, il y a quand même déjà des réflexions qui sont faites à ce niveau-là. Il y a déjà certaines unités d'aménagement au Québec où il y a déjà une réduction de la possibilité forestière pour considérer justement l'impact des feux actuels. Okay. On parle de deux toute petite unité d'aménagement dans le nord-ouest du Québec qui passe souvent au feu. Mais inévitablement, on pourrait s'attendre à ce que le territoire qui soit couvert par ces réserves ou qui soit exposé à des réserves comme ça, une stratégie où on a des réserves de bois, soit beaucoup plus important dans le futur, effectivement. Mmh. Je vais revenir un petit peu là sur la régénération de la forêt. Finalement, est-ce que toutes les espèces vont être pareillement en difficulté de se régénérer après un feu? Ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que justement, non, c'est pas le cas. Il y a certaines espèces qui vont être beaucoup plus favorisées que d'autres. On a déjà en forêt boréale des espèces qui sont favorisées par le feu. Donc ces espèces-là vont avoir ce qu'on appelle des cônes sérotineux ou semi-sérotineux, c'est-à-dire c'est des cônes qui vont pouvoir s'ouvrir sous l'impact de la chaleur. Donc si un feu passe, le cône va s'ouvrir et libérer des graines, ce qui va favoriser la régénération de l'espèce. Donc ça c'est le cas entre autres pour le pin gris, qui est une espèce quand même assez fréquente après feu, et aussi dans une certaine mesure pour l'épinette noire. Okay. L'épinette noire, par contre, va prendre beaucoup plus de temps avant de produire des cônes qu'un pin gris. Okay. Ce qui fait que s'il y a des feux rapprochés, le pin gris va avoir plus de chances de se reproduire que l'épinette noire. Donc ça, c'est une chose. Une autre stratégie aussi qui peut être employée par certaines espèces, c'est ce qu'on appelle la reproduction végétative. Donc, plutôt que de se reproduire via des graines, ben c'est tout simplement par clonage naturel, là, dans le fond, des espèces, par ce qu'on appelle des rejets de souche ou encore des drageons. Donc, les conifères, par exemple, quand ils ont brûlé, ils font ça? Ben, il y a certaines espèces qui vont le faire, comme par exemple le tremble, le bouleau à papier, l'érable rouge, dans une certaine mesure. Donc, ces espèces-là, lorsqu'elles sont blessées, lorsqu'elles meurent, lorsque la tige principale meurt, ben, il y a d'autres tiges qui vont repartir, justement, soit des racines ou encore de la souche, pour repeupler le parterre qui était affecté soit par les coupes ou par les feux. Mais les conifères font pas ça. Les conifères ne font pas ça, effectivement. Donc les conifères après feu, pour ce qui est de l'épinette noire et le pin gris, vont se fier sur leur banque de graines, en fait, pour régénérer un parterre. Donc elles sont peut-être un peu plus vulnérables dans une certaine mesure, dans certaines conditions, que d'autres espèces qui peuvent se reproduire de façon végétative. Je me demande, pour finir, Yann, à quel point ça change un petit peu les projets de recherche. Parce que forcément, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas forcément avec autant d'acuité il y a 20 ans, par exemple. Donc, est-ce que ça modifie les projets de recherche comme ce que vous faites comme recherche au Centre de foresterie des Laurentides, par exemple? C'est une très, très bonne question. Puis effectivement, il y a certaines priorités qui deviennent encore plus prioritaires pour faire un bon pléonasme. Mais disons que tout ce qui concerne la protection des communautés, de trouver des stratégies stratégies qui vont permettre d'avoir, par exemple, des paysages forestiers ou des paysages forestiers autour de ces communautés-là qui soient moins vulnérables au feu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On l'a vu cet été, plusieurs communautés ont dû faire vite pour pouvoir se protéger, notamment en créant des firebreaks, des coupe-feux. Des coupe-feux, merci. Donc, des coupe-feux, effectivement, pour pouvoir se protéger. On a vu que certains peuplements aussi étant moins vulnérables au feu, comme par exemple les peuplements feuillus, sont moins propices à brûler. Ouais. Donc, ces peuplements-là peuvent offrir une certaine protection aux communautés, aux infrastructures. Donc, déjà, de bien quantifier l'exposition, de bien quantifier le risque à ces communautés-là, aux infrastructures, c'est déjà un élément très important qui va devenir de plus en plus important dans les prochaines années. Et suite à l'identification de ces risques-là, de trouver les stratégies qui vont permettre d'atténuer ces risques-là, va aussi être un élément très, très important. Là. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez particulièrement? Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose sur lequel on développe des projets de recherche qui vont, en tout cas, on l'espère, avoir une certaine résonance dans les communautés, justement. Alors, faudra bien nous en parler? Ah ben oui! Voilà, l'invitation est lancée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Yann, d'être venu faire le point sur ces feux de forêt qui ont réduit ensemble de grands pans de la forêt québécoise cet été. Et je rappelle que Yann Boulanger est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides. Merci encore, Yann. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Et à une prochaine fois. Oui, absolument. Merci.